So now, returning to the precepts of a layperson and returning to your daily life, I will give a short talk, a Dhamma gift. So, as I mentioned earlier, the Buddha said there are two causes for being able to gain knowledge through the practice. One is listening respectfully to the instructions, to the way of practice, to the teachings. And the second is to apply these, apply what one has heard with respect and care. Donc voilà, on a pris les cinq préceptes, on retourne à l'observation des cinq préceptes, et on retourne aussi à notre vie laïque, à notre vie quotidienne. J'aimerais à présent donner un court exposé, un don de Dhamma. Comme je l'ai dit plus tôt déjà, le Bouddha a dit qu'il y a deux causes qui amènent quelqu'un à engranger de la connaissance. La première, c'est d'écouter respectueusement les enseignements, et la deuxième, c'est d'appliquer ce qu'il a entendu, ce qu'il a écouté, avec respect et avec attention. Je suis heureuse de voir que les yogis ont été capables de mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus et que chacun à sa façon est parvenu à bénéficier de ces enseignements. Ça me rend heureuse. Je me rends compte que les enseignements que j'ai reçus, vous avez été capables de les comprendre à un certain degré. Lors des interviews et des rapports des yogis, ceux-ci ont signalé qu'ils étaient capables de contrôler leur colère, qu'ils ont été capables aussi de surmonter les sensations douloureuses, d'acquérir donc la connaissance dans une certaine mesure. Je suis heureuse que vous ayez été capable de recevoir cet enseignement. Et la question que je me pose à présent, c'est est-ce que vous allez laisser la pratique ici au centre quand vous rentrerez chez vous, ou est-ce que vous allez l'emmener avec vous chez vous? Donc ici vous avez pratiqué le Dhamma, mais maintenant vous rentrez chez vous. Alors chez vous, est-ce que vous allez encore en avoir besoin? Si je vous demande maintenant par exemple de me rendre l'enseignement, est-ce que vous me le rendez? I would keep it. Okay. Donc si vous le gardez, est-ce que vous allez le mettre sur une étagère et le regarder de temps en temps? Okay. La pratique, c'est quelque chose, au plus vous l'utilisez, le meilleur qu'elle devient. Donc à l'inverse d'autres choses qu'on peut recevoir qui s'usent naturellement, la pratique, elle, ne peut pas s'user. Si vous ne l'utilisez pas, laissez-la ici, c'est mieux. Mais ça y allait, blague. Comment l'utiliser? D'une façon générale, il est bon de s'asseoir tous les jours, que ce soit 15 minutes, 30 minutes, une heure, même deux heures éventuellement, selon les possibilités que vous laisse votre emploi du temps et aussi votre inclination. Essayez de prendre le temps tous les jours pour pratiquer chez vous, soit le matin, soit le soir. Aussi, vous pouvez consacrer un peu de temps à pratiquer l'amour bienveillant. C'est quelque chose qui est aussi très, très utile. Alors beaucoup de gens chez eux, ils ont des appareils pour se protéger du feu, comme par exemple un extincteur ou bien des masques. On devrait aussi avoir la même chose pour lutter contre les feux de la vie quotidienne. Ces outils contre les feux de la vie quotidienne, c'est le fait de s'asseoir tous les jours, de pratiquer metta, de pratiquer l'amour bienveillant. Quoi que ce soit contre quoi on soit confronté dans la vie quotidienne, cela peut nous aider à surmonter. Maintenant, il est possible aussi que par moment on doive faire appel aux pompiers. Ici, par rapport à la méditation, ce serait le fait de se joindre à un groupe de méditation ou bien de participer à une retraite, ce qui peut éventuellement nous donner un répit, un repos par rapport au feu de la vie mondaine. En pratiquant l'amour bienveillant, vous pouvez le faire à la façon qui m'a été recommandée par un professeur. Par exemple, si vous vivez en famille, si vous menez une vie familiale, vous pouvez commencer par envoyer l'amour bienveillant à vous-même. puissé-je être heureux et en paix. Ensuite, vous envoyez l'amour bienveillant à vos parents, puissent-ils être bien, heureux et en paix. Et ensuite, à votre famille, puissent-elles être bien, heureuse et en paix. Et ensuite, donc, à la famille étendue, à la famille au sens large. Et ensuite, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez aussi émettre le souhait que tous les êtres soient bien, heureux et en paix. Mais vous ne le faites que quand vous y pensez, ou bien par exemple au travail, afin que votre environnement devienne plus agréable. Voilà, donc ça c'est la façon dont je recommande de pratiquer l'amour bienveillant. Alors je voudrais juste ajouter encore une chose, et je vais essayer de pas m'étendre au-delà de 5 minutes. Je voudrais juste mentionner à quel point c'est bon de faire de bonnes choses. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acte bon? C'est quelque chose qui est au-delà de tout reproche, d'une part, et d'autre part, quelque chose qui amène des résultats plaisants et agréables. Quelles choses, par exemple, sont des bonnes choses? Par exemple, dana, le don. On peut donner quelque chose qu'on possède, comme par exemple des choses matérielles, ou alors des connaissances, ou alors des services. Et on peut les donner à des personnes qu'on respecte, ou bien à des aînés, envers lesquels on a une responsabilité dont on doit s'occuper. Alors les deux autres grandes catégories d'actes de bons, c'est sila, la moralité, c'est-à-dire se restreindre au niveau des actions physiques et verbales, se contrôler au niveau des actions physiques et verbales, dans le but de ne pas nuire à autrui. Et la dernière catégorie, bhavna, la culture mentale, à la fois développer l'esprit et développer la connaissance, comme on fait ici, comme on pratique ici à cette retraite. L'acte du don nécessite 3 choses. Il nécessite d'abord un donateur, et il faut aussi que ce donateur ait l'intention et le désir de donner, sans quoi il ne peut pas y avoir de don. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive le don. S'il n'y a personne qui peut recevoir le don, c'est pas possible, même si on veut faire un don, s'il n'y a personne pour le recevoir, c'est pas possible de faire le don. Et enfin, il faut qu'il y ait le don lui-même, quelque chose par exemple que l'on possède. Il peut arriver aussi que l'on n'ait rien à donner, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il n'est pas possible de faire ce don. Mais si les 3 parties sont présentes, alors c'est une belle opportunité qui se présente à nous. Alors l'empereur Asoka a dit que le don était la moindre des bonnes actions, mais que comme elle ouvrait la voie à la moralité et à d'autres actions bénéfiques, c'était une bonne chose. Lorsqu'on donne, il est impossible de donner si on est encore attaché à ce qu'on veut donner, et donc c'est un des bénéfices du don, c'est que on abandonne notre attachement et on réduit ainsi notre propre avidité. On ne devrait donc pas s'attacher aux choses que l'on donne et on ne devrait pas non plus nourrir la moindre attente par rapport à ce qu'on donne. Par exemple, s'attendre à ce que les gens nous aiment du fait de notre don. Parce que, en réalité, les gens nous apprécieront automatiquement, naturellement, en retour de notre don. Même les animaux, en fait, apprécient ceux qui leur donnent de la nourriture. Donc, on n'a pas besoin de souhaiter recevoir de l'affection en retour. Ça se passe automatiquement. Et aussi, on ne devrait pas nourrir des pensées telles que « Puisse tout le monde savoir à quel point je suis capable de donner, de faire de grands dons ou des pensées de ce type. » On ne devrait pas vouloir quoi que ce soit pour nous-mêmes du fait de notre don. Ça diminue notre don en quelque sorte, ça diminue cette bonne action. Ça la rend moins bonne. Lorsqu'on donne et que le don est dépourvu d'attachement à ce qu'on donne. On réduit l'attachement en nous. Et lorsqu'on donne sans chercher à obtenir quelque chose de par ce don, on réduit l'égoïsme en nous. Lorsqu'on veut quelque chose, il est bon aussi d'avoir l'intention que les autres se sentent bien et heureux, de développer cette intention. Donc lorsqu'on donne quelque chose, il est bon de développer cette intention que les autres se sentent bien et heureux. Il est bon aussi de souhaiter, lorsqu'on donne quelque chose, d'effectuer un don avec le souhait que quelqu'un qui est dans le besoin soit soulagé de sa souffrance. Lorsque on donne avec ses intentions présentes en nous, par exemple lorsqu'on donne en souhaitant le bien-être de la personne à qui on fait le don, on réduit nos propres tendances à la haine. Parce qu'on ne peut pas haïr quelqu'un dont on souhaite le bien-être. Et en même temps, on développe les qualités d'amour bienveillant. Enfin, la capacité à donner de l'amour bienveillant. Lorsqu'on donne à quelqu'un avec le souhait que cette personne soit soulagée de sa souffrance à cause de la situation de manque dans laquelle elle se trouve, on réduit notre tendance à la cruauté. Et en même temps, on développe notre capacité à ressentir de la compassion. Donc si on donne de manière systématique, avec ses intentions présentes à notre esprit, on développe vraiment des qualités très très bénéfiques. Et on peut aussi, au moment où on donne, développer une aspiration personnelle et dire par exemple « puisse ce don m'aider à obtenir la paix et le bonheur et m'aider à développer le chemin spirituel et à atteindre Nibbana. » Donc il est bien, quand on pratique le don aussi, d'avoir un but, d'avoir une intention bénéfique. So we should do them as much as we can, with confidence that this is for our good. But that's all I want to say. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos du don encore, mais je dois vraiment essayer de clôturer. Mais j'aimerais que vous compreniez que les bonnes actions que l'on entreprend sont vraiment très très bonnes. Et lorsqu'on sait cela, on va aussi en retirer de la confiance lorsqu'on pratiquera d'autres bonnes actions dans le futur. On sera confiant dans les bénéfices qu'elles peuvent apporter. J'espère que vous compreniez tous cela. Toutes les bonnes actions que vous avez accomplies au cours de cette retraite, il y en a qui ont donné de l'argent, il y en a qui ont donné leur temps en service, il y en a qui ont observé les préceptes moraux, il y en a qui ont développé la pratique, qui ont contrôlé leur esprit. Toutes ces bonnes actions auront des résultats et contribuent à notre propre bien. Donc Upanyasami, qui est le directeur spirituel de ce centre, disait « On ne peut jamais se souvenir assez des bonnes actions qu'on a accomplies. On devrait tous les jours se remémorer les bonnes actions qu'on a accomplies parce que cela nous rendra heureux à propos de ce qu'on a fait. Si vous avez fait des mauvaises choses, oubliez-les. Essayez de vous souvenir des bonnes actions que vous avez accomplies. Ça va vous donner de la confiance et vous encourager à continuer. » Upanyasami, who is the spiritual guide of this center, said, "You cannot remember your good deeds often enough. You should make a habit of recollecting the good things that you do every single day. And if you, because then you'll feel happy about what you've done, and you'll feel also encouraged to do good things. If you've done anything bad, you should forget about it. Just remember, recollect the good things that you've done is a very good habit." Sadhu, sadhu, sadhu.